Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la Commission Massé sur l'avancement des arts, des lettres et des sciences. Je suis très fier d'avoir participé à cette commission parce que c'est une des rares commissions qui a vu presque toutes ses recommandations mises en œuvre. Le père Georges-Henri Lévesque, à l'émission Actuelle en 1982, il y a une forme d'unanimité qui existe autour de l'héritage concret, de l'importance historique également qu'a eu cette commission Massé dans le développement des arts et de la culture au Canada. En plus d'être à l'origine de la création du Conseil des arts et de la Bibliothèque nationale, entre autres choses, le rapport Massé est aussi souvent considéré comme le véritable début de notre politique nationale de soutien aux arts et à la culture. Dans tous les domaines, la stature du Canada s'impose par ses réalisations. Cependant, il faut bien admettre que si nous avons des points forts, nous avons également des points faibles. Et la Commission royale sur les arts, les lettres et les sciences, connue sous le nom de Commission Massé, a souligné quelques-unes de nos faiblesses et a suggéré les moyens appropriés pour remédier à cet état de choses. C'est pourquoi des dispositions pratiques sont maintenant prises pour réaliser progressivement les recommandations de la Commission sur les arts, les lettres et les sciences au Canada. Il y a une semaine aujourd'hui même, le Premier ministre a rendu publique la décision définitive du gouvernement canadien de proposer au Parlement, à la prochaine session, la création d'un Conseil des arts. Je voudrais vous aujourd'hui, messieurs, vous entretenir d'une autre décision annoncée par le Premier ministre la semaine dernière, celle de mettre en œuvre les recommandations de la Commission Massé touchant le Musée national du Canada. Extrait d'un discours de Jean Lesage, qui était alors ministre fédéral du Nord et des Ressources naturelles, devant le Canadian Club en 1956. Pour nous rappeler le contexte dans lequel est créée cette fameuse Commission Massé, pour nous parler également de son héritage important, je reçois Alexandre Cadieux. Il est chargé de cours à l'École supérieure de théâtre de l'Université du Québec à Montréal. Il est aussi responsable du Centre de documentation du Centre des auteurs dramatiques de Montréal. Alexandre Cadieux, bonjour. Bonjour, Jacques. Alors, en quoi cette commission Massé, Alexandre Cadieux, a-t-elle été si importante pour la culture et pour les arts au Canada? Bien, on l'a bien entendu dans les interventions à la fois du Père Lévesque et de Jean Lesage. On a cette vision des commissions royales d'enquête comme souvent des grosses machines, souvent des éléphants blancs démocratiques qui c'est comme un spectacle, mais qui mène pas à grand-chose ou dont les rapports sont tablettés et tout ça. Avec la commission Massé, on a un exemple d'un exercice qui a eu des retombées qui n'ont pas été immédiates. On n'a pas suivi toutes les recommandations. Il y a eu des critiques, mais l'héritage de ça, il se mesure encore aujourd'hui dans la manière, dans les structures par lesquelles l'État canadien, mais aussi les provinces et les villes, vont financer la création, la production, la diffusion, la réception de l'art. Oui. Et en parler, ça permet aussi d'encapsuler, pour moi, un moment, juste après la Seconde Guerre mondiale, où au Canada, mais dans d'autres nations en Occident, on va un petit peu élargir les principes de l'État-providence pour y faire justement rentrer la question du développement des arts et de la culture. Oui. Cette idée de la nécessité pour l'État, l'utilité qu'a l'État pour intervenir dans différents secteurs, dont les arts et la culture, elle est créée en 1949, cette commission Massé. Avant de revenir sur l'héritage qu'elle nous laisse, peut-être nous faire un petit portrait de la situation des arts, de la culture à ce moment-là. À quoi ça ressemble, les arts et la culture, au moment où est mise sur pied cette commission Massé? On en parle dans un instant, mais pour nous donner un avant-goût de tout ça, on écoute d'abord le maire de Montréal à l'époque, en 1949. Camillien Houde, discours qu'il tient à l'occasion de la 101e représentation de la pièce Ticoque de Gratien Gélinas. Je suis sûr que les hommes publics qui sont ici ce soir, l'honorable premier ministre et le solliciteur général, ainsi que les ministres du cabinet de M. Duplessis, songeront, comme ils l'ont dû faire dans le passé, comme moi-même je l'ai fait à plusieurs reprises, que nous avons besoin de fournir aux talents de chez nous les moyens de se produire. Et si ce n'était, M. Gélinas, que ces deux raisons, la raison sociale que vous avez mise devant nous avec combien de talent, et la raison de faire prévaloir que nous avons des talents à produire et pour lesquels nous devons fournir des facilités, vous auriez déjà fait œuvre immense chez nous. Je vous félicite cordialement et je suis sûr que, d'être l'interprète de tout ce vaste auditoire en vous offrant nos meilleurs vœux pour l'avenir. Alors, à quoi ça ressemble très concrètement ce millier des arts et de la culture au pays, Alexandre Cadieux, avant la commission Massé? Comment, par exemple, se fait le financement de la culture avant les années 50? Bien, il y a une grande disparité entre les secteurs et entre les joueurs. Donc, dans l'entre-deux-guerres, sans être complètement absent, le financement étatique s'incarne surtout dans la mise en place, le soutien de quelques institutions, quelques musées, quelques agences gouvernementales qui répondent souvent plus à des logiques de prestige, par exemple, ou de promotion, plutôt que de soutien démocratique ou d'accessibilité à la culture. Oui. Si on prend l'exemple du Québec, ce financement-là aux arts, il relève d'une fonction qui n'existe plus aujourd'hui, qui est le secrétaire général de la province, qui a comme ça des enveloppes discrétionnaires et qui peut signer un chèque par-ci, un chèque par-là. Mais ça reste un peu selon le bon vouloir du titulaire. Il n'y a pas de système comme tel. La chance qu'on a eue au Québec, c'est que, justement, entre les deux guerres mondiales, cette fonction-là va être tenue par un libéral qui s'appelle Athanase David, mm-hmm. qui est le grand-père des futurs députés Françoise et Hélène David, qui était un philanthrope qui va être très actif, mais, comme je vous dis, ça ne fait pas un système. C'est ça qui manque. Il y a des secteurs, je pense au théâtre, par exemple, qui sont complètement abandonnés aux lois du marché, qui doivent concurrencer avec des tournées de compagnies américaines, par exemple. Il y a les quelques organismes qui persistent, qui vont durer dans le temps, c'est celles qui profitent d'un mécénat important. Et le mécénat, ça reste, disons, une tradition de soutien qui est beaucoup plus vivante dans le monde anglophone que dans le monde francophone. Oui. Fait que cette disparité-là, on va la voir aussi entre les langues. Donc, on voit bien la nécessité de mettre en place un système, une procédure, en fait, qui soit moins subjective, qui soit plus équitable également. J'imagine que ça fait partie de l'équation quand Louis Saint-Laurent, le premier ministre Saint-Laurent, décide de créer cette commission-là. De fait, et il fait ça donc tout de suite après, dans le contexte de l'après-guerre, qu'est-ce qui le pousse à créer cette commission-là? Bien, il y a plusieurs facteurs qui expliquent que le climat est favorable. D'abord, ben, c'est le lendemain de la guerre et on a ce souci-là de reconstruction et souvent ça s'articule autour d'un idéal humaniste de beauté, par exemple, de paix, de sérénité, et on pense que les arts peuvent un peu nous aider à nous relever et à nous élever. Et en parallèle à ça, il y a aussi cette idée que les nations sont alors dans un souci de affirmer ou réaffirmer leur singularité. Pendant la guerre, on a fait front commun, mais là, c'est comme si chacune voulait retrouver ce qui faisait sa grandeur. Et y a des nations qui se décolonisent, par exemple. Donc, il y a cet aspect-là mondial où les nations s'affichent. Oui. Et une des façons, entre autres, de s'afficher, ben, c'est de développer les imaginaires, les symboles, et ça passe souvent par la production artistique. Au Canada, plus spécifiquement, il se passe aussi que les élites canadiennes-anglaises, et avec raison, ont un peu peur de l'envahissement culturel américain. Il y a eu la radio, il y a eu Hollywood, là, il y a la télé qui pointe le bout de son nez, mm-hmm. et on a comme crainte comme ça que le géant voisin qui parle la même langue que nous va nous envahir et va un peu faire de la culture canadienne une culture extrêmement minoritaire. Donc, il y a ce souci-là de vraiment s'affirmer, et le gouvernement libéral de Saint-Laurent est beaucoup plus ouvert à ce type de discussion-là que pouvait l'être hein, le gouvernement précédent, qui est celui de Mackenzie King. Donc voilà, on reste conservateur sur le plan financier, mais au moins sur ces sujets-là de culture, il y a plus d'ouverture qu'il pouvait y en avoir auparavant. Et puis c'est le début, au fond, à la fois de cet état-providence plus généreux que vous avez évoqué il y a un instant, mais de cette construction, puis on pense surtout au Canada anglais, mais de cette construction d'une identité culturelle, nationale, canadienne, moins britannique, disons ça comme ça. Le Canada, en avançant dans le 20e siècle, s'éloigne de ses racines britanniques pour... puis il y aura le drapeau qui viendra, mais pour retrouver, pour se construire, pour se donner une identité culturelle propre. Revenant à la constitution de la Commission comme telle et au choix de son président, c'est à Vincent Massé, donc, que Louis Saint-Laurent décide de confier la présidence de la Commission. Pourquoi lui, pourquoi c'est son choix à Saint-Laurent, Vincent Massé? Plusieurs facteurs encore là. Il y a une question de crédibilité, il y a une question de prestige, il y a une question d'amitié, il y a aussi une question de réelle compétence aussi. Donc, Vincent Massé, c'est avocat, il était formé en droit, notamment à Oxford, et ensuite, il a été diplomate aux États-Unis et au Royaume-Uni. Vincent Massé appartient à une des familles les plus riches de Toronto. La famille Massé a fait fortune dans le matériel agricole et la famille a aussi toute une longue tradition de philanthropie dans les domaines de la culture et de l'éducation. Vincent Massé a été instrumental dans la mise sur pied de l'Office national du film en 1939, par exemple. Et au moment où Saint-Laurent va le nommer à la tête de la commission, il est à la fois président du Conseil du Musée des beaux-arts du Canada et chancelier de l'Université de Toronto. Donc, c'est vraiment quelqu'un de très en vue, qui a un réel engagement à la fois pour l'éducation, pour le milieu universitaire, mais aussi pour les arts. Alors, il se lance dans cette aventure-là qui va durer 2 ans. Et on peut aussi rappeler que juste après, de 52 à 59, il va aussi agir à titre de gouverneur général du Canada, où il va aussi être nommé par Louis Saint-Laurent. Oui. C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'au fond, il est donc très familier. C'est un homme de culture, d'art, mais c'est aussi quelqu'un qui œuvre dans le secteur universitaire. Puis c'est intéressant de le rappeler, parce qu'au fond, puis on en arrive au mandat de la commission, Alexandre Cadieux, mais on parle beaucoup de l'héritage purement artistique, le Conseil des arts, la Bibliothèque nationale, mais il y a aussi, dans les travaux de la commission, un volet qui va être très, très important et qui touche, lui, qui va éventuellement toucher le financement des universités. C'est quoi le mandat que confie Louis Saint-Laurent à cette commission-là? Au départ, on demande au commissaire de s'en tenir à 4 grands axes de réflexion. Il y a d'abord la question de la radiodiffusion et de la télédiffusion, donc qui allie le contenu, mais aussi les questions légales, les questions techniques. Donc, il y a ça. Ensuite, les institutions culturelles fédérales, mais qui sont déjà en place. On parlait de l'ONF, par exemple, donc repenser un petit peu le fonctionnement, les objectifs de ces agences-là. Ensuite, il y a les relations entre le gouvernement et les associations culturelles. Quel type de leadership, quel type de support on peut apporter? Et finalement, il y a toute la question du financement universitaire. Comment on finance à la fois les universités, mais aussi les étudiants eux-mêmes. Donc, quand on évoque la commission Massé, on oublie un petit peu cette partie-là, elle disparaît un peu, parce que finalement, ce qu'il va mettre en place répond à d'autres logiques. Les retombées ne sont pas aussi visibles que dans le domaine des arts et de la culture. Ouais. Mais c'est vrai que ça va un petit peu faire le ménage, ou en tout cas encourager la réflexion sur les relations entre l'État et l'université. Ouais. Il est secondé, Vincent Massé, par 4 autres commissaires pour mener à bien son enquête sur l'état des arts et de la culture au pays. Parmi eux, le fondateur et le doyen de la Faculté des sciences sociales de l'Université Laval, le père Georges-Henri Lévesque, qu'on écoute à nouveau à l'émission actuelle en 1982. Un bonjour, je reçois un téléphone du premier ministre, M. Saint-Laurent, qui me demande, qui m'annonce la création d'une commission pour le développement des arts, des sciences et des lettres au Canada. Et il me dit, j'ai décidé de vous demander d'en faire partie. M. Saint-Laurent, lorsqu'il créait une commission royale, avait l'habitude de choisir d'abord le président. Et dans le cas présent, il avait choisi M. Massé. Et il voulait toujours qu'il y ait une contrepartie canadienne-française. Alors, il a fait un arrangement avec M. Massé. Il a dit, vous allez me faire une liste de Canadiens-Français que vous voudriez voir à côté de vous, et puis moi, je ferai ma liste. Et puis, quand on rencontrera un nom sur les deux listes, et le plus tôt possible, eh bien, on le choisira. Et il est arrivé, je le dis en toute humilité, que j'ai été le premier sur les deux listes. Alors, je me suis vu obligé d'accepter, et j'ai accepté avec grand plaisir. Et je vous avoue franchement que ça a été une expérience extrêmement enrichissante pour moi. Vincent Massé, qui est donc entouré de 4 commissaires pour conduire les travaux de la commission, dont Georges-Henri Lévesque, sur qui on va revenir dans un instant, Alexandre Cadieux. Mais d'abord, un mot sur la composition de la commission. Qui sont donc ces 4 commissaires autour de Vincent Massé? Bien, on trouve d'abord l'ingénieur montréalais Arthur Surveyor. Arthur Surveyor, c'est le S de la future firme d'ingénieurs SNC qu'on connaît encore aujourd'hui. Et Surveyor va être mandaté pour toutes les questions qui sont liées aux infrastructures techniques. Quand on parlait de radiodiffusion, télédiffusion, alors lui, c'est vraiment cette expertise-là qu'il vient apporter. Les autres personnalités, les 3 autres commissaires, sont issus du monde universitaire et ils combinent une expertise dans leur domaine, mais aussi ils occupent des hautes fonctions académiques dans leurs institutions. Alors, il y a une historienne qui s'appelle Hilda Needby de l'Université de la Saskatchewan. Il y a un professeur de droit et président de l'Université de la Colombie-Britannique, Norman Mackenzie. Et finalement, on l'a entendu déjà à 2 reprises, donc le doyen et fondateur de la Faculté des sciences sociales de l'Université Laval, donc le père Lévesque. Ouais. Quelle importance il aura, le père Lévesque, au sein de la commission? Pourquoi, de fait, est-il le seul... Il y a 5 commissaires, est-il le seul francophone? Bien, le père Lévesque représente à la fois les francophones, les Québécois, mais aussi le monde ecclésiastique, hein, qui, à l'époque, est encore une composante importante de la vie sociale. Cela dit, il va le faire à sa manière, c'est-à-dire que le père Lévesque était un homme progressiste, proche des milieux syndicaux. Son biographe, Jules Racine-Saint-Jacques, que vous avez déjà reçu, Jacques, à l'émission, hein, il parle de lui comme un clerc dans la modernité. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est pourtant issu d'un milieu conservateur, mais qui a vraiment des vues progressistes. Et il incarne, et on vient bien de l'entendre, il incarne cet idéal bilingue et biculturel qui peut exister à l'époque au Canada, qui reste un idéal qui va être un peu mis à mal dans les décennies à venir, notamment on pense aux années 60 évidemment, mais qui à l'époque anime encore avec une certaine fougue des intellectuels, notamment des francophones. Mm-hmm. Et le père Lévesque, en plus de tout son travail à l'Université Laval, évidemment, cette même année-là où la commission est mise sur pied, va aussi s'illustrer par quelques passes d'armes avec le premier ministre Maurice Duplessis, entre autres à propos de la grève de l'amiante. Donc, c'est vraiment à cette époque-là un personnage en avance sur son temps, mm-hmm, et qui va aller défendre ça, entre autres, auprès de la commission. Parlons un petit peu du déroulement de cette commission-là, qui va siéger un petit bout de temps, qui va recevoir 400 mémoires, entendre 200 personnes venir témoigner devant les commissaires. Comment se déroulent les travaux de la commission? Bien, le mandat initial va être rapidement débordé. On parlait des 4 axes tantôt, mais la nature et le nombre des témoignages et des mémoires qui vont se présenter vont faire que les commissaires, de commun accord, vont élargir leurs prérogatives et vont se dire, bien, on a là les moyens de faire vraiment un coup de sonde à travers toute la nation. Donc, prenons-le, débordons un petit peu de ce mandat premier. Ils vont visiter 16 villes d'un océan à l'autre pour un total de 114 rencontres publiques où on reçoit donc des témoignages et où on entend lecture de mémoire aussi. Ouais. Le rapport est déposé le 1er juin 1951. On viendra sur les recommandations dans un instant, mais d'abord, parce que la première partie du rapport, c'est un portrait de la situation. Quel portrait dressent les commissaires? La chose est assez alarmiste. On fait état du peu de concertation sectorielle, de l'absence de leadership dans beaucoup de domaines. On parle d'équipements qui sont vétustes. On parle de formation de qualité très inégale selon les disciplines, selon les régions. La commission va dire, ben, oui, il y a des bons coups, il y a de grands talents, comme disait le maire de Montréal dans l'extrait tout à l'heure, mais il faut soutenir la vitalité des milieux. On ne peut pas laisser ça à la chance et on ne peut pas non plus laisser les artistes se débrouiller par eux-mêmes parce qu'ils finissent par s'essouffler. Oui. Avec, encore une fois, un constat très dur, on parle de culture anémique. Donc, c'est ça. Il faut donner une impulsion à cette culture qui est en train de se définir et de se construire, ce qui nous amène à parler des recommandations. On en a déjà évoqué quelques-unes, création du Conseil des arts, d'une bibliothèque nationale. Mais ça va ressembler à quoi, les principales recommandations de la commission? Bien, ce qu'on appelle, c'est l'interventionnisme de l'État de façon plus structurée, de façon plus concertée. On a parlé de l'aide aux universités, on va encourager la création de bourses, un soutien plus sérieux aux agences fédérales, mais surtout, l'espèce de recommandation vedette, on en a parlé, c'est l'idée d'un conseil des arts, donc d'un organisme indépendant, financé par l'État, mais qui prend lui-même ses décisions et qui est vraiment fondé sur le principe d'injection de fonds auprès d'organismes culturels. Ouais. Mais ça se fera pas. Donc, si, en gros, puis on le signalait dès le début de l'émission, Alexandre Cadieux, contrairement à d'autres commissions royales d'enquête, celle-là va déboucher sur des recommandations qui seront suivies. Il y aura quand même un temps entre le rapport de la commission en 51 et l'application de certaines des recommandations. Ça va aller à quoi, 56, 57? On écoutait Jean Lesage le dire, on est en train d'appliquer les recommandations en 56. Qu'est-ce qui explique ce délai-là? Bien, il y a beaucoup de critiques, il y a beaucoup de scepticisme et l'opposition, évidemment, à Ottawa fait son travail, mais même au sein du Parti libéral, on est un peu sceptique. En fait, la crainte, et elle est légitime, c'est que ce financement-là par l'État signifie aussi un contrôle de l'État sur la culture. C'est ça la crainte. On sort d'une guerre où la machine de propagande a roulé à fond de tous les côtés. Donc, on voit aussi c'est quoi la force que peut avoir l'intervention de l'État sur les discours et sur l'imaginaire. C'est de ça dont on a peur. Et c'est vrai que c'est légitime. La France, à ce moment-là, nationalise des musées, nationalise des théâtres. Donc, les organismes vont être très, très, très financés, mais en même temps, abandonnent une partie de leur autonomie. Mmh. Les directions vont être nommées par l'État, par exemple. Alors qu'au Canada, finalement, le choix qu'on va faire, c'est plutôt de prendre le modèle britannique. Hein? Donc, c'est le Conseil des arts de la Grande-Bretagne, qui, lui, était fondé en 1946 et qui est basé sur un principe de non-ingérence politique. Oui. C'est-à-dire que l'État finance, mais ce sont des hauts fonctionnaires qui font rouler l'appareil et qui vont aussi très rapidement adopter un principe de comité de pairs. Mmh. Alors, ce sont les artistes qui formulent des recommandations sur comment distribuer les subsides et ce sont des fonctionnaires qui l'appliquent. Tout ça sans, avec selon un principe imperméable par rapport à l'État, ouais, par rapport aux élus. Système et tradition, donc, qui aujourd'hui encore sont les bases de notre système, d'où l'importance, on y revient, du legs et de l'héritage de cette commission Massé. Alexandre Cadieux, chargé de cours à l'École supérieure de théâtre de l'Université du Québec à Montréal, responsable du Centre de documentation du Centre des auteurs dramatiques. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup, Alexandre. Merci, Jacques. À bientôt. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Annie Richer, recherche d'archives Mario Bolduc et Fanny Leblanc, au site Internet Olivier Lalande. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.